Chapitre 24. Le cerveau humain et le dauphin. La neuroplasticité, l'écolocalisation humaine et l'astrophysique. Oui, dans ce chapitre, je vais essayer de faire un condensé plus scientifique. Alors, il est clair que dans les autres chapitres que vous avez pu entendre préalablement, vous avez pu voir que j'ai transmis quelque chose de simple et d'accessible pour tous. Aujourd'hui, je vais me tourner vers mes connaissances scientifiques pour expliquer un peu les mêmes choses d'une façon scientifique. Quand je me lâche dans la science, je pourrais parfois aller un peu trop loin, un peu trop vite, et devenir inaccessible pour un certain nombre de personnes. Donc, je vais me forcer à rester sur quelque chose de simple et aller dans un sens accessible à tous. En tout cas, je vais essayer. Ce n'est pas facile. Je vais essayer d'apporter la confirmation de tout ce que j'ai apporté d'une façon philosophique, spirituelle, sur un point de vue maintenant purement scientifique, neurosciences, astrophysique, ainsi de suite. Alors, pour comprendre ce que je voudrais encore apporter, eh bien, c'est de comprendre que, basiquement, on dit qu'on utilise 10% du cerveau. Et c'est déjà une chose fausse. Parce qu'en fait, dans notre façon d'agir, dans notre société, nous utilisons en fait à peu près 5% du cerveau, même pas 10%. Mais en même temps, évidemment, nous utilisons 100% du cerveau. Mais nous ne l'utilisons pas d'une façon consciente. D'une façon inconsciente, générale, on utilise 100% du cerveau. On ne peut pas s'imaginer 90%, 90% en train de dormir et qu'il soit totalement inefficace, totalement endormi, inutile. Non, absolument pas. Peut-être que ce serait même plus simple, mais ce n'est pas le cas. Donc, tout ce que j'ai pu exprimer par rapport aux subpersonnalités, tous ces traumatismes, toutes ces frustrations qui vont se cumuler dans nos mémoires et qui vont prendre petit à petit le contrôle de la divinité, le contrôle de la personnalité, pardon, ce que moi j'appellerais une personnalité divine, c'est l'extension de notre esprit, de notre âme, appelez-le comme vous voulez. Et le cumul des subpersonnalités, c'est la subpersonnalité dominante qui va finir par dominer sur la personnalité divine qui est l'extension de l'âme. Et pour comprendre ceci, déjà, il faut comprendre que lorsque je suis dans les ondes bêta, que je tourne à peu près à 30 Hz, je peux monter jusqu'à 40 Hz et commencer à rentrer dans les ondes gamma, qui sont les ondes hyper excitées du cerveau, qui justifient un peu toutes les folies, tous les fanatismes, toutes les paniques, tous les mensonges. Quand on ment, quand on est dans tout ce schéma-là, on n'est plus, même plus en onde bêta, on est en onde gamma, les ondes supérieures, en rapidité, pas en qualité. Et quand on est dans ces ondes-là, on est dans un champ restreint de conscience. C'est-à-dire qu'on ferme son champ de conscience et on se tourne vers environ 5-4% de l'utilisation de notre cerveau. Donc le premier paradoxe à comprendre, c'est que pour utiliser une matière grise fantastique, ultra extraordinairement puissante, on rentre dans un champ de conscience restreint par le stress et par la rapidité, le rythme du cerveau, que j'explique encore plus tard au niveau technique. On fait donc l'opération inverse. On cherche, avec notre savoir-faire, à résoudre des problèmes, à affronter une situation. Mais notre savoir-faire, c'est quoi? C'est un cumul de connaissances que nous avons appris à faire. C'est pour ça que ça s'appelle le savoir-faire. Le savoir-faire ne s'invente pas. Le savoir-faire s'apprend. Il s'apprend en copiant beaucoup de gens qui, il faut bien le reconnaître, dans notre société, ne volent pas très haut. Pour avoir affaire à quelque chose qui nous permette la créativité, l'ouverture de conscience, l'expansion l'expansion du champ de conscience, il va falloir nous ralentir notre rythme cérébral pour descendre à des hertz beaucoup plus bas, 20 hertz et même 10 hertz, voire même 8 hertz. On arrive à un état alpha profond et à l'entrée d'autres états. Donc là, on rentre dans un état où on va utiliser d'une façon très compliquée, mais virtuellement 30 à 100% de notre cerveau. Donc, se calmer, se séréniser, ce sont des choses qui vont alimenter une grande partie de notre cerveau. Principalement, le cortex préfrontal, qui est la partie la plus capable d'harmoniser l'ensemble du cerveau et d'élargir un champ de conscience. Ce cortex préfrontal, je l'expliquerai encore plus tard au niveau technique, il est très lié à la respiration, au calme, à la sérénité, à la joie, au rire. Par exemple, pour un adulte, pour rire, il lui faut une raison. On peut passer une journée entière sans rire. Si on n'a pas une raison particulière, si on va travailler et qu'on ne voit rien de très amusant, on ne va pas rire. Donc en moyenne, un adulte rit 15 fois par jour. Et encore, je pense que c'est une statistique assez optimiste, ça dépend de ce que vous vivez. Un enfant, lui, rit en moyenne 300 fois par jour. Pourquoi ? Parce qu'un enfant n'a pas besoin d'une structure mentale pour rire. Un chien qui le regarde, pouf, ça le fait rire. Une feuille qui vole, pouf, ça le fait rire. Donc il est dans cet état de joie, de sérénité, qui est nécessaire au développement du cortex préfrontal. Sachant que le cortex préfrontal, il va se développer pendant une grande partie de notre vie. Il continue à grandir pour arriver à sa taille normale à 30 ans. Ce qui est intéressant parce que, par exemple, chez les Hébreux, on peut avoir le titre de rabbi sous certaines conditions. Le fait d'avoir 30 ans, le fait d'avoir étudié les Saintes Écritures, donc l'Ancien Testament, ainsi de suite, et aussi d'avoir des enfants, parce que la procréation dans la religion juive, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la religion. Donc déjà, au niveau historique, scientifique, quand on se tourne vers la Bible, où même les ennemis de Jésus l'appellent Rabbi, il a 30 ans, il connaît les Écritures, mais officiellement, il n'a pas d'enfant. S'il n'a pas d'enfant, on ne l'appelle pas Rabbi. Surtout ses ennemis qui n'attendent que ça pour le descendre, avoir une attitude condescendante vis-à-vis de lui. Et pour alimenter ce cortex préfrontal qui est lié à l'expansion du champ de conscience, il faut être dans le calme, dans la sérénité, dans la joie, dans l'amour. Ah oui, parce que plus on est aimant, et plus on est amoureux, plus on est comblé d'amour, et plus on rigole. Sur la moindre chose, on rigole. Le rire, la joie, la dilatation, la sérénité, ce sont des choses qui vont nourrir le cortex préfrontal. Et si je ne parle pas de théorie spirituelle, philosophique, je parle de faits scientifiques. Notre cerveau est un laboratoire alchimique. Lorsque nous vivons des rejets, des frustrations, qu'on nous trahit, qu'on nous blesse, vous allez fabriquer des hormones cérébrales qui vont nourrir un système de dépression et voire même d'attraction à la mort, de suicide. Donc pour essayer de comprendre ça, j'ai toujours cette explication que j'appellerais pseudo-scientifique quand même, qui dit vous mangez des épinards, vous chiez vert. C'est une règle. Moi, quand j'étais enfant, j'étais passionné par le fait de penser une parole ne me touche pas. Donc, si on me dit que ma mère est morte, ça ne devrait pas me toucher, c'est qu'une parole. Pourquoi est-ce que ça va toucher mon corps? Pourquoi est-ce que ça va accélérer mon cœur? Pourquoi est-ce que je vais paniquer, me sentir mal? Ça ne m'a pas touché physiquement. Et c'était une analyse simplement d'enfant qui est amusante, mais elle est fausse. Parce que lorsque notre cerveau reçoit des informations positives ou négatives, nous allons sécréter des hormones qui vont aller dans notre corps et qui sont une véritable nourriture. Donc je parle de nourriture physique qui va descendre dans les hormones, dans le corps, et qui va structurer des rythmes biologiques particuliers, une nourriture biologique particulière, comme une pure nourriture que vous avalez. Si vous avalez du poison, vous allez vous sentir mal ou même mourir. Si vous pensez mal, si vous avez de mauvaises informations, vous allez souffrir et même peut-être en mourir. Il faut comprendre que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la vérité concrète. Par exemple, si vous montez à cheval, vous êtes dans un protocole d'étude. Vous êtes en train d'étudier comment tenir à cheval, comment ne pas tomber, comment maintenir le cheval, et ainsi de suite. Sentir les mouvements du cheval, etc., etc. Et votre corps est en plein travail d'assimilation de tout un nouveau protocole. Or, si le lendemain, vous asseyez sur une chaise et que vous faites un très bon travail de visualisation, vous visualisez en train d'être sur le cheval, de tenir votre équilibre, ainsi de suite, le cerveau va travailler exactement de la même façon pour assimiler le problème, pour faire face au problème. Donc ça veut dire que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité que je vis et la visualisation que je projette, qui est une visualisation certes, mais qui fait quand même partie du travail de l'imaginaire. J'imagine quelque chose et mon cerveau réagit comme si je travaillais. C'est d'ailleurs une technique qui est utilisée par les grands sportifs pour pouvoir assimiler certains problèmes sans devoir s'entraîner perpétuellement. Eh bien, il y a de longues séances de visualisation en train de travailler certains exercices de gymnastique et autres assis. Sachant que le cerveau, lui, travaille autant dans le travail de visualisation que dans le travail véritable. De la même façon, je peux vous en parler en connaissance de cause. Moi, ayant pratiqué les arts martiaux et pratiquant toujours les arts martiaux énormément, eh bien, les arts martiaux, ça veut dire dans mon corps une nourriture biologique sécrétée par mon cerveau de joie, d'excitation, de présence, et ainsi de suite. Mais, si je regardais dans le passé, puisque maintenant je suis aveugle, des arts martiaux, des combats à la télévision, ou assis quelque part en train de regarder, je suis tellement dedans que je bouge, j'ai des contractions aux épaules, aux hanches pour esquiver, pour bouger, pour faire un coup de pied pendant que je regarde, et mon cerveau structure la même nourriture hormonale, à tel point qu'après un entraînement, je suis en pleine forme. Si je regarde quelque chose dans les arts martiaux, après, je suis en pleine forme, comme si j'avais pratiqué. Donc le résultat alchimique intérieur est le même. Donc, le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Ce qu'on appelle les cellules miroirs, ce sont des cellules qui sont des cellules profondément empathiques, qui permettent une profonde empathie et qui me permet de me comparer entre moi-même et comment le monde me perçoit. Si le monde me dit sans arrêt que je suis moche, gros et laid, hein, c'est la même chose, gros, moche et excité. Si après, moi, je pense de moi-même que je suis calme et serein, et si on me dit, mais alors tu es calme, je dis, j'essaye d'être calme, mais je crois que je ne le suis pas trop quand même. Ah, l'information est rentrée. Les cellules miroirs font que je n'arrive pas à faire la différence entre ce que je pense de moi et ce que les autres pensent de moi. Ce qui m'est apporté par information, par regard, par attitude, et ainsi de suite. Donc, quand je parle de moi-même, je suis dans une expression de paradoxe entre ce que je vais dire de moi et ce que les gens pensent de moi. Et si les gens ne m'aiment pas, eh bien c'est clair que ce que je vais dire de moi, ça n'est pas entièrement positif. Il n'y a rien à faire, c'est inévitable. Je ne peux pas, dans un contexte normal biologique, de relation avec d'autres êtres humains, ne pas être touché par mon entourage. Donc, déjà là, par la définition scientifique, on comprend que ce que j'ai pu présenter avant, qu'on appelle le programme national, d'être un bon français, un bon italien, un bon allemand, un bon chinois, c'est déjà une évidence, puisque je vis dans un contexte allemand, Je parle allemand, je regarde la télévision allemande, je fais du sport avec les Allemands, j'ai des amis allemands. Donc je suis allemand, j'assimile mon existence comme étant un Allemand. Parce que même si je veux penser que je suis chinois, eh ben non, tout mon extérieur me dit tu es allemand, tu es allemand, tu es allemand. Et je vais me comporter d'après les règles nationales allemandes. Donc, analyser déjà cet aspect-là, c'est comprendre un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que notre société est très stressante. Faut gagner de l'argent, il faut vaincre, il faut écraser les autres. On a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, de ne pas être un bon français, un bon chinois, un bon n'importe quoi. Et en plus, aujourd'hui, l'électronique est partout. L'électronique, c'est basé sur être rapide. Et vous voyez aujourd'hui comment Internet est utilisé. Moi, il y a plein de gens qui me disent, Iji, tu parles trop. Moi, après 5 minutes, j'arrive plus à écouter. Ben oui, je comprends. Mais c'est le reflet d'une pathologie. D'une pathologie, parce que le type qui dit ça, il est en train de dire, je tourne aux ondes bêta et aux ondes gamma. Je suis à la limite entre les deux selon mes états. Donc, 3-4 minutes de concentration pour moi, c'est un maximum. Après, je peux plus. Donc, toute l'utilisation du portable, l'utilisation de l'ordinateur, de Internet qui doit aller à toute vitesse, et ainsi de suite, ça vous amène encore plus à tourner très vite, à un rythme très élevé, 30, 40, 50 Hz. Ce qui veut dire développer votre champ restreint de conscience. Et vous êtes lancé sur un paradoxe intellectuel déjà d'entrée, qui est une connaissance scientifique tout à fait claire, hein, c'est pas du tout une théorie philosophique, qui dit que vous essayez d'être intelligent sur un champ restreint de conscience, en utilisant votre savoir-faire, qui est un savoir-faire qui vous a été donné par des gens qui ont un champ de conscience restreint aussi, et qui vous apporte donc, et qui vous enseigne donc, le champ restreint de conscience. C'est un fait scientifique. C'est simple comme bonjour de comprendre cet aspect-là. Il faut bien comprendre que dans notre société moderne, la population d'un pays est sous intraveineuse de conneries 24 heures sur 24. À travers la télévision, à travers Internet, à travers tout ça, vous êtes maintenu dans un champ restreint de conscience, dans un champ de stress, dans un champ où tout doit aller très vite, à 40, 30, 40, 50 Hz, entre les ondes bêta et les ondes gamma. Quand un problème est très compliqué, ce n'est pas le problème qui est compliqué, c'est ma capacité cérébrale d'affronter ce problème. Effectivement, si je veux affronter ce problème avec un champ restreint de conscience, avec un savoir-faire qui ne possède pas le savoir-faire nécessaire à ce problème particulier, le problème devient énorme, voire insoluble, voire même parfois mortel, en allant jusqu'au suicide. Si j'apprends à rire, si j'apprends à me détendre, à méditer, à respirer profondément, car la respiration ventrale est liée au cortex préfrontal. On le verra biologiquement plus loin. Plus je respire profondément, plus je suis calme et serein, et plus je vais descendre dans les ondes alpha, dans un champ de conscience d'expansion, qui va me permettre d'utiliser au moins 30% de mon cerveau, si ce n'est pas plus. Alors évidemment, au regard de ceci, il y a une transformation radicale. Le problème qui était insoluble devant 5% devient extrêmement facile à résoudre devant 30 ou 40%. Pourquoi? Parce qu'en utilisant 30 ou 40%, ou même 20%, ou même 15%, je commence à rentrer à l'intérieur aussi de mon inconscient. Et face à ça, il y a bien des choses qui vont changer. Chaque jour, nous affrontons 70 000 pensées qui passent dans notre cerveau. 70 000 pensées qui passent dans notre cerveau tous les jours. Donc, ça veut dire que vous êtes accablé d'idées que vous ne contrôlez pas, qui sont les répétitions principalement du champ de conscience restreint. 90%, 90% de ces idées répétées sont des idées répétées déjà d'avant et d'avant et d'avant et d'avant encore. Donc, Il va être difficile, en connaissant le système cérébral, si on ne change pas une stimulation du travail, de changer les résultats de ce travail-là, le résultat de ce système cérébral. 70 000 pensées qui viennent, 90% qui sont des pensées qu'on répète, c'est-à-dire 63 000 idées que l'on répète de la journée d'avant, de la journée d'avant, de la journée d'avant, de la journée d'avant, de la journée d'avant. Et on dit qu'on va de l'avant en essayant d'évoluer. C'est ce qu'on croit. Mais à travers le stress, à travers le champ de conscience restreint, on répète perpétuellement les mêmes idées, avec quelques petites nuances qui rentrent plus dans le champ du savoir-faire, c'est-à-dire de nouvelles choses que j'ai apprises pour survivre. Le champ de conscience de survie, de l'efficacité, nous amène à un champ de conscience restreint. Le champ de conscience de confiance, d'amour, de joie, de sérénité et d'ouverture simple avec les autres, sans chercher à rien prouver, on apprend, on enseigne, on communique, on rigole, on est simple, nous amène un champ de conscience d'expansion qui active notre cerveau d'une façon considérable. Donc déjà aujourd'hui, nous devons comprendre que le système cérébral tel qu'il existe est un système pour nous emprisonner dans un système répétitif, restreint, limité, qui ne fait que développer des stress, de la maladie, de l'incompréhension, de l'insatisfaction, de la frustration. Et tout ça nous amène à plus de subpersonnalités qui se cumulent en nous, qui se bloquent en nous, qui nous amène à encore plus de contractions, plus de frustrations, et de plus en plus, en avançant dans notre vie, on quitte de plus en plus le champ bêta pour monter dans les vibrations gamma, qui sont là, des vibrations qui perdent tout contrôle, on n'est que dans le mensonge, dans la rage, dans la panique, et on peut justifier n'importe quoi. Et après, ce que vous allez appeler une sorte de relaxation de méditation, c'est ce qu'on appelle de la post post-rationalisation, voilà en français, post-rationalisation, qui fait que en pensant plus profondément après, je vais tout pouvoir justifier la panique que j'ai eue dans les ondes gamma ou dans les ondes bêta très élevées. J'ai fait des choses stupides, j'ai été violent, j'ai menti, j'ai manipulé, et après je vais faire de la post-rationalisation pour démontrer que j'étais honnête et même généreux. Et pour ça, je vais utiliser un autre aspect de mon cerveau, qui est le déni. Le déni, c'est l'effacement de certaines informations que j'ai vécues, qui sont en face de moi et qui ne sont pas assimilables avec mon champ de conscience restreint. Donc, je vais les effacer, purement et simplement. Et ceci n'est possible qu'en tournant à 5%. Parce que je ne vais pas les effacer, je vais les effacer de la mémoire vive. Dans l'inconscient profond, toutes ces mémoires restent, évidemment, on se souvient de tout. C'est pour ça qu'on peut le rêver après. Quand on est dans un autre état et qu'on rêve, on peut se souvenir de rêves que vous allez appeler des cauchemars. Simplement parce que vous vous souvenez de la vérité, qui ne correspond pas à ce que vous avez gardé dans votre mémoire vive, puisque vous avez appliqué le déni pour pouvoir survivre consciemment avec ces 70 000 idées répétitives qui viennent dans votre esprit tous les jours et qui ne peuvent pas être en contradiction. Parce que la contradiction, le paradoxe, le cerveau n'aime pas ça. Le paradoxe, le cerveau le rejette, comme j'ai déjà expliqué dans le jeu du miroir et d'autres explications que j'ai eues préalablement par rapport au cerveau. Donc, pour effacer tout paradoxe cérébral, dans le champ restreint de conscience, le cerveau va utiliser le déni. Le déni n'est pas le fait de nier. Le déni veut dire que ça n'existe plus, que dans la mémoire vive, on n'y a plus accès. On y aura accès dans l'inconscient, dans les rêves, à travers notre biologie, à travers notre champ électromagnétique cérébral, mais pas dans la conscience vive, la mémoire vive qu'on va utiliser maintenant avec les 5%. Alors encore une fois, je le redis pour rester très simple. Quand on repart dans le champ de conscience restreint, en ondes bêta et gamma, on a un choix à l'intérieur du savoir-faire. Et ça s'arrête là. C'est ce que les gens vont définir comme étant le libre arbitre. Alors que le libre arbitre, c'est comme si vous parliez d'un libre arbitre parce que vous achetez ce que vous voulez dans un supermarché où c'est le seul supermarché où vous avez le droit d'aller. C'est donc votre supermarché du savoir-faire dans lequel vous allez choisir ce qui vous appartient dans ce supermarché du savoir-faire qui vous a été donné par une conscience, par une société de conscience de champ restreint. Réussir, argent, voler, mentir, manipuler, survivre, accepter la politique, accepter la guerre, accepter la famine dans le monde, accepter la pollution, et ainsi de suite. Vous avez donc la définition de votre libre arbitre à l'intérieur de ce supermarché du savoir-faire. Quand vous passez dans un champ de conscience en expansion, en onde alpha, où vous vous retirez, vous vous calmez, vous réfléchissez ou méditez calmement, vous jouez de la musique, vous faites de la peinture, vous allez courir, vous allez marcher calmement et sereinement, et d'un seul coup, des solutions viennent, des choix viennent. Et ces choix, maintenant, font partie de votre champ de conscience en expansion, c'est-à-dire que vous allez chercher des éléments qui sont captés d'une façon inspirée. On pourrait parler d'inspiration, de médiumnité, de channeling, vous pouvez tourner ça dans le sens spirituel comme vous voulez, et qui sont cette capacité que le cerveau a, en étant calme, de prendre l'ensemble des éléments d'un problème, de prendre une très grande distance de ce problème, de prendre une très grande distance de sa propre existence, pour avoir un regard global qui nous permet de trouver de nouvelles solutions qui sont de véritables choix, c'est-à-dire des choses nouvelles que vous allez développer par vous-même. Et là, et seulement dans le champ de conscience en expansion, en mode alpha, en respiration profonde, en joie profonde, en amour profond, en plénitude de vie, avec des aventures, avec des joies, avec une fierté sur soi-même, seulement là, on a accès au libre-arbitre. Donc déjà, la définition scientifique me permet de comprendre que le libre-arbitre ne peut être accessible qu'à ceux qui ont une vie qui permet cet accès au libre arbitre, c'est-à-dire aux ondes alpha profondes, c'est-à-dire à une joie, à un bonheur, à une fierté, à une sérénité, à une tranquillité, à beaucoup d'amour, beaucoup de sexe, beaucoup d'intensité, beaucoup de sérénité parce que ma vie est cool. Et qu'à tout moment, je peux m'asseoir et penser calmement sans me brancher sur mon téléphone ou autre chose. Et regarder ma vie et me dire, c'est pas mal, c'est pas mal. Et maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, ça c'est super. Ça, c'est du libre arbitre. Petite information technique, facile à assimiler. Le cerveau a un poids d'environ 1,3 kg, 1,4 kg. Si on met ses deux mains en cuillère les unes contre les autres, eh bien on peut poser notre cerveau dans les mains, comme ça. C'est proportionnel à peu près aux mains. Bon, si vous avez des grandes mains, je n'ai pas dit que vous étiez forcément plus intelligent, mais c'est à peu près la proportion des mains en cuillère, les deux ensemble, vous pourriez tenir votre cerveau, qui étrangement, tout comme les poumons, n'ont pas de système nerveux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de sensibilité. Si on ouvre le crâne, que vous êtes encore vivant, on peut tailler, couper des parties de votre cerveau, vous ne sentirez rien. Vous sentirez les effets sur votre corps, d'un seul coup vous ne sentez plus une main, vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus... Oui, vous sentirez les effets, les contre-coups, mais vous ne sentirez pas qu'on entaille le cerveau, puisque dans le cerveau, il n'y a pas de sensation de douleur ou de sensibilité. Tout comme il n'y en a pas non plus dans les poumons. C'est pour ça qu'un cancer des poumons peut être très dangereux et qu'il est arrivé à certaines personnes de commencer à cracher du sang parce que leurs poumons sont complètement massacrés, mais ils n'ont pas eu de douleur. Comme quoi, le système de douleur qui n'est pas plaisant est aussi une aide, une information très positive. Quand vous n'avez plus de sensation de douleur dans les pieds, par exemple, telles que l'ont les diabétiques avec des neuropathologies qui se développent dans les jambes chez les diabétiques, eh bien c'est très dangereux parce qu'ils peuvent marcher par exemple sur un clou et continuer à marcher toute la journée avec un clou qui passe à travers le pied. Et c'est comme ça qu'ils vont perdre un pied, ils vont perdre une jambe parce qu'après ça va s'infecter, il y a un trou énorme Et simplement, la douleur ne leur a pas indiqué qu'il fallait s'arrêter. Vous, vous allez avoir une douleur dès que vous marchez sur une pierre ou quoi que ce soit. Waouh ! Et vous réagissez. Ça fait mal, mais ça vous protège énormément. Ça, c'était la petite parenthèse technique pour avoir un peu plus d'informations et mieux comprendre. Le cerveau est basiquement, dans sa biologie de base, une machine pour survivre. Évolution de Darwin, survie. Première chose pour que la race puisse survivre et continuer à évoluer. Donc il faut bien comprendre que le cerveau va confondre, nous allons dire, un champ d'efficacité et la vérité. Mon champ d'efficacité, ma perception d'efficacité, c'est tout ce dont je vais avoir besoin de cumuler dans mon savoir-faire pour savoir survivre aussi. Et ceci va être dirigé par mes traumatismes, mes limites, et ainsi de suite. Par exemple, si je suis homosexuel, je vais développer ma capacité de reconnaître un homosexuel qui passe par là. Tandis que l'autre qui n'est pas homosexuel ne notera même pas l'homosexuel. Parce qu'il n'a pas besoin, dans son champ d'efficacité, de reconnaître un homosexuel. Si je vis dans un pays ultra raciste et ultra violent, il y a les noirs qui sont très agressifs et les blancs qui sont très agressifs aussi, donc on ne sait pas qui a commencé, on s'en fiche. Ceci étant, dans mon champ d'efficacité, je serai capable de reconnaître tout de suite quand il y a un noir un peu plus agressif ou un groupe de noirs où je ne vais pas rentrer dans telle maison, dans tel café, parce que je sais que je risque quelque chose. C'est mon champ d'efficacité. Et après, les gens vont se mélanger en disant « chacun a sa vérité ». Non. Chacun a son champ d'efficacité. Moi, je suis aveugle et j'utilise l'écholocalisation. Donc, j'ai un champ d'efficacité sur l'écoute qui est 1000 fois plus développé que les gens qui voient. C'est mon champ d'efficacité. Mais si je prends mon champ d'efficacité comme une vérité, alors je vais dire « toute personne qui n'est pas capable d'écouter comme moi est un idiot ». Eh ben non, parce qu'ils ont aussi des yeux qui fonctionnent 100 fois ou 1000 fois mieux que l'écholocalisation. Donc, je ne dois pas confondre mon champ d'efficacité et la vérité. Et c'est pour ça que les gens confondent perpétuellement ça et qu'ils disent « chacun a sa vérité ». Non, chacun a son champ d'efficacité pour survivre. Et d'ailleurs, ce champ d'efficacité est très restreint, c'est le champ de conscience restreint. Pourquoi ? Parce que si je suis en danger physique, je vais libérer énormément d'adrénaline, des hormones de stimulation bourrées de sucre pour faire face à une situation de stress où il faut courir, se battre, survivre, ainsi de suite. Et ce qui est très intéressant, c'est que si je m'adresse à un champ de conscience restreint en parlant à une personne qui est dans les ondes bêta et gamma, quand je vais corriger une idée, je vais dire, tu sais, par exemple, tu es raciste, mais peut-être que tous les noirs ne sont pas diaboliques et qu'il faut s'ouvrir, ainsi de suite. La personne va commencer à sécréter de l'adrénaline. Parce que attaquer son champ de conscience restreint, son champ d'efficacité, c'est assimilé dans le cerveau comme une attaque directement à sa survie. Ce qui est quelque part logique, puisque on attaque le champ d'efficacité, le champ restreint de conscience, le champ d'efficacité, le champ de survie. Donc si je commence à dire à quelqu'un, tu sais, les Noirs ne sont pas tous agressifs, quelque part, je suis dangereux pour cet homme qui vit dans un pays où il doit toujours se méfier des Noirs, par exemple. Donc je ne donne pas raison, je ne dis pas, donc, il faut être raciste. Je dis qu'il y a une grande différence entre le champ d'efficacité et la vérité. La vérité se trouve dans un champ de Hertz encore plus bas, quand on se retrouve à 1 ou 2 Hertz au niveau vibratoire du cerveau, on y reviendra plus tard. Quand on se promène à 30, 40, 50 Hertz de champ vibratoire, on est dans le champ, champ restreint de conscience, le champ d'efficacité, le champ de survie. Et quand on veut apporter une connaissance, on est là, on dit « tiens, peut-être tu pourrais penser aussi que le racisme, ce n'est pas la clé de la vie ». Eh bien, l'autre personne va se battre et même libérer de l'adrénaline parce qu'elle va recevoir cette idée comme une agression sur sa propre vie. Évidemment, quand on comprend qu'on est, amené à ce champ restreint de conscience, à cette bouée de sauvetage de savoir-faire qui n'est pas juste, qui est juste efficace pour survivre, et qu'en plus on appelle ça la vérité. Chacun a sa vérité. Non, chacun n'a pas sa vérité. Chacun a son champ de conscience restreint, où la plupart des gens, en gros 90-95% de la population mondiale, ont un champ de conscience restreint, d'où le fait que les gens soient totalement aveugles aux guerres, à la pollution, à la destruction, parce que dans le champ conscience de restreint, tout ça est parfaitement logique. Avec une post-rationalisation, tout ça devient absolument logique, cohérent. Et donc, si je rencontre quelqu'un qui me dit « tu devrais arrêter de polluer, tu devrais arrêter d'être raciste, tu devrais arrêter », eh bien, je vais me fâcher, je suis agressé directement, personnellement, dans mon champ de survie, dans mon champ de conscience restreint. Si je suis dans un champ de conscience en expansion, toute nouvelle information est la bienvenue. Je la prends, je l'analyse, je la médite, je l'adopte ou je la rejette si elle n'est pas intéressante. Mais ce n'est jamais une agression. C'est pourquoi pas ? Parle, on va voir. Donc, l'analyse des réactions à une nouvelle idée nous permet de voir à quel point la plupart des gens se trouvent dans un champ de conscience restreint. C'est presque un test que vous pouvez faire partout autour de vous. Or, vous verrez que la plupart des gens parlent à la main, le reste n'écoute pas. Talk to the hand, the rest is not listening. Ça veut dire... Que je suis totalement incapable de recevoir cette idée parce que dans mon instinct primordial d'animal, accepter une nouvelle idée d'évolution, c'est mettre ma vie en danger, ma survie en danger, mon champ d'efficacité en danger. Donc il faut bien apprendre à savoir quand je pense par mon champ de conscience restreint, par mon champ d'efficacité, et quand je suis dans un champ de conscience d'expansion, d'ouverture, d'acceptation, de joie, de rire, de bonheur, de simplicité. Je le sais en moi et je le regarde autour de moi quand je parle avec des gens et quand je fais face à un champ de conscience restreint, un champ d'efficacité, un champ de survie, arrêtons la conversation, c'est inutile. Notre apport culturel est une agression directe à la survie de ce champ de conscience restreint. En développant cette connaissance déjà, on peut regarder au niveau neuro-cérébral comment les gens se comportent et comment on se comporte et comment on perçoit les gens qui sont restreints ou pas. Et si je ne suis pas capable de percevoir quelqu'un de restreint, alors cela veut dire que moi-même, je suis aussi restreint. D'ailleurs, on a ce champ très développé, par exemple, en Italie, où les gens, c'est pas spécialement chez les Italiens qu'on a un champ de conscience restreint, hein, c'est dans tous les pays. Mais dans certains pays, on n'expose pas ce qu'on pense. En Allemagne, en France, on ne le dit pas trop. En Italie, en Espagne, on va beaucoup parler. Mais l'autre ne va pas suivre le champ restreint de conscience de l'autre. Donc, il s'engueule, mais il s'engueule d'une façon horrible. Il s'insulte et ainsi de suite. Et puis le lendemain, il se rencontre et il s'embrasse. Pourquoi ? Parce que deux champs de conscience restreints qui s'expriment, ça fait des étincelles de tous les côtés. Mais de toute façon, je ne suis pas touché et l'autre n'est pas touché parce que nous avons gardé nos champs de conscience restreints. Nos champs de survie, nos champs d'efficacité. Et quand on est capable d'analyser notre entourage comme ça, déjà, on perçoit le monde d'une façon infiniment plus claire. Un ordinateur peut facilement vaincre un être humain aux échecs, par exemple. Pourquoi ? Parce que les échecs, c'est un cumul de savoir-faire. Et tant que l'être humain est dans un champ de conscience restreint, l'ordinateur... cumulera beaucoup plus de savoir-faire d'une façon plus efficace, sans aucun doute, sans aucun oubli. Par contre, lorsque l'on passe dans un champ de conscience en expansion, qui appelle la globalité de la vision et même de l'inspiration supérieure, de l'âme et de la compréhension cosmique, jamais un ordinateur classique ne pourra faire face à un humain, jamais. Il nous faudra faire face ou développer plus tard des ordinateurs quantiques, d'un principe quantique, parce qu'en rentrant dans le principe quantique, de l'ordinateur quantique, alors on rentre dans ces interactions, ces synapses qui vont interagir de tous les côtés, et qui sont par définition cette expression de champ de conscience en expansion. L'ordinateur, par définition, créé par l'être humain, qui est dans un champ de conscience restreint, a fabriqué une machine qui fonctionne mieux que lui dans un champ de conscience restreint, dans un champ d'efficacité. Dans le champ d'expansion le champ de conscience d'expansion, jamais l'ordinateur d'aujourd'hui, quelle que soit sa mémoire, ne pourra faire face à un être humain. Quand on résume l'être humain à un champ de conscience restreint, à un champ d'efficacité, à un champ de savoir-faire, donc, alors on peut se poser cette question. Le bébé qui vient de naître n'a aucun savoir-faire. Pourtant, il est capable de sentir, il est capable de réagir à la présence des gens qui sont autour de lui, à ceux qui rigolent, qui le touchent. Il est triste quand on le laisse seul. Donc, il a cette étincelle de vie qui est au-delà du simple savoir-faire et qui touche le champ de conscience d'expansion. Il est capable de ressentir la vie, de ressentir l'amour, de ressentir la présence des gens. Et c'est là où l'on retourne vers le champ de conscience d'expansion, qui est un champ de conscience d'un être épanoui, aimant, en contact avec les autres, et capable de ressentir au-delà de toute forme de structure intellectuelle rigide. Les psychorigides, ce sont les gens qui sont tellement enfermés dans leur champ de conscience restreint qu'ils vibrent de plus en plus haut, que la moindre agression les fait monter dans les ondes gamma, et ils sont totalement incapables de communiquer et d'entendre la moindre chose. Simplement, d'affirmer leurs choses, c'est la manifestation pure du narcissique. Le narcissique tourne à fond dans les ondes bêta et dans les ondes gamma, même beaucoup plus dans les ondes gamma que les ondes bêta, parce que le narcissisme est une façon d'être tellement obsédé par son savoir-faire, par sa vision personnelle et sa perfection personnelle, que toute personne qui tourne autour de lui ne peut que l'admirer et le gratifier. S'il y a la moindre critique, ça le déchaîne et ça le fait monter dans les ondes gamma d'une façon extrêmement élevée, puis après, en rétro-rationalisation, il se justifiera en disant que l'autre est vraiment un abruti qui n'a rien compris. La capacité naturelle d'amour du bébé est la preuve même que nous avons un champ de conscience en expansion, d'expansion, que nous abandonnons pour aller vers un champ de conscience restreint, en croyant que nous allons vers l'intelligence, alors que nous allons vers la fermeture de l'esprit. Nous avons le même protocole, par exemple, en ostéopathie. Vous avez des gens qui ont mal au dos, et comme ils ont mal au dos, ils vont bouger de moins en moins. Ce qui est une erreur mortelle, puisque la colonne vertébrale est soutenue par les muscles. On va dire environ 30% de structure osseuse pour 70% de muscles. Donc quand on commence à avoir mal au dos, eh ben, on perd de plus en plus ses muscles et on demande à 30% du corps en mauvais état de faire 100% du travail. C'est le même protocole qu'un champ de conscience restreint. On demande à un petit champ très limité de faire tout le travail par peur, par manque d'enthousiasme, par manque de joie, par manque de vie. Or, la douleur du dos et le dos qui s'affaiblit, ou le cerveau qui se ferme de plus en plus, les ventricules qui se bloquent. En ostéopathie, on travaille en massage crânien pour libérer les ventricules. Le quatrième ventricule qu'on va libérer en faisant travailler l'occiput, par exemple, pour faire passer par les trous de Schirré postérieur le liquide céphalo-rachidien qui va descendre dans la colonne vertébrale et dans le bassin. Pourquoi est-ce que dans le bassin, on a le sacrum, quelque chose qui soit sacré? Parce que lorsque l'on pense en champ de conscience d'expansion, on va libérer des hormones qui vont descendre le long de la colonne vertébrale pour arriver jusqu'au bassin. Les Chinois parlent du tantième inférieur, le bassin, le tantième du milieu, le cœur, et le tantième supérieur, le cerveau. Et c'est exactement cette chose qu'il faut comprendre. Par exemple, lorsque l'on pense au Christ, la définition du Christ, c'est un être qui a été oint de l'huile divine. C'est sacré. Il est intéressant de savoir que sacré, c'est la même origine que le mot sécrétion des glandes. Et en fait, pour être oint de l'huile divine et pour devenir un Christ, il faut recevoir de l'huile, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Cette huile sacrée, ce sont les hormones positives que l'on va sécréter par une façon de penser en champ de conscience d'expansion. Ce liquide va descendre le long de la colonne vertébrale, et c'est une des origines, dit-on en tout cas en ostéopathie, de la légende du Père Noël qui descend le long de la cheminée pour apporter les cadeaux. Parce que lorsque la vibration de respiration profonde est lié entre le bassin et le cerveau. On appelle ça le travail de la respiration primaire en ostéopathie. On arrive à un travail fantastique d'ouverture et d'harmonisation avec les cellules, avec le cœur. Je reviendrai aussi sur toute la structure biologique de ce travail particulier. La libération du bassin, du pelvis, dans une respiration profonde ventrale, sereine, va oxygéner encore plus le cortex préfrontal, lié à cette respiration profonde. Donc, chez les Chinois, on dit que tout doit s'harmoniser. Le tantième inférieur, le bassin, tantième du cœur, et le tantième supérieur. En sachant qu'il y a des neurones qui existent dans le rachis, dans la colonne vertébrale, j'y reviendrai, mais ceci dans le cœur et autour du cœur. Et le cœur est lié complètement aux vibrations cérébrales. D'ailleurs, on trouvera dans la colonne vertébrale un chef d'orchestre rythmique et du cœur, de la respiration et du cerveau. Donc, toutes les légendes chinoises, on va dire, les connaissances chinoises de médecine chinoise du passé, s'accordent totalement avec la science aujourd'hui, si on ouvre un petit peu son esprit en analysant tout ça dans un champ de conscience d'expansion. L'ordinateur a été créé dans les eaux de 1950 pour comprendre comment travaille, comment fonctionne le cerveau. Et l'évolution de cet ordinateur s'est révélée une catastrophe, totalement inadaptée à tout ce que le cerveau peut créer, développer, ainsi de suite. Donc, au lieu d'accepter l'échec d'un ordinateur qui s'adapte au cerveau humain, eh bien, on a fini par inverser la machine. C'est-à-dire qu'on a appris à l'être humain à développer de plus en plus, si je puis dire, devrais-je dire plutôt, à se concentrer de plus en plus sur son champ de conscience restreint pour s'adapter à l'ordinateur. Donc, l'être humain d'aujourd'hui a un champ de conscience encore plus restreint que nos aïeux, tout simplement parce qu'il nous faut nous adapter au monde de l'ordinateur, et au lieu que l'ordinateur ait appris comment le cerveau fonctionne, c'est le cerveau humain qui a dû s'adapter au système limité de l'ordinateur avec une ultra-intelligence. Donc aujourd'hui, on se retrouve, si je puis dire, honteux devant un ordinateur, puisque l'ordinateur est plus efficace que nous. Encore une fois, pour rester sur des choses simples et pour bien comprendre par rapport à l'ordinateur, avec votre ordinateur qui est devant vous et qui est infiniment plus intelligent que vous parce que vous marchez dans un champ de conscience restreint et vous acceptez ce jeu, cette tyrannie de stress d'ordinateur et de système de pensée déductible par un principe d'ordinateur. Les Japonais ont voulu créer un cerveau artificiel qui ait la capacité d'un cerveau humain. Ils ont commencé avec un cerveau de souris, 70 millions de neurones. Nous avons 150 milliards de neurones. Et avec 70 millions de neurones, eh bien, les Japonais, avec tous les moyens techniques et financiers qu'ils ont pu avoir, ont été incapables de construire un ordinateur, voire gigantesque, qui devait dépasser la taille d'un hangar, d'avion. Et ils ont été incapables de fabriquer un ordinateur qui puisse penser comme le cerveau d'une souris. Pourtant, vous, avec un cerveau de 1,3 kg, 1,4 kg, vous finissez emmené dans un champ de conscience restreint par vous reconnaître vaincu devant un simple PC qui fait, je sais pas combien, 300 grammes, 500 grammes. Et en fait, comprendre cette défaite, ce n'est pas comprendre notre incapacité cérébrale, mais le piège dans lequel nous avons été entraînés. Nous acceptons de tourner sur un champ de conscience extrêmement restreint, extrêmement limité de savoir-faire. Et dans ce cas-là, effectivement, l'ordinateur est notre maître. Et quand nous arrivons dans une société où l'ordinateur devient notre maître, nous sommes en train de dire qu'il n'y a plus d'esprit, plus d'inspiration. Et c'est en cela où il faut tout faire pour retourner vers cette paix, vers cette joie, vers cette simplicité, vers cette certitude d'être juste et harmonieux et fier de sa vie, dans un champ de conscience en expansion. Pour vous donner une autre idée de mesure, Si on prend le cerveau d'un rat, environ 200 millions de neurones, il faudrait, pour regrouper simplement toutes ces connaissances, sans être pourtant capable d'organiser tous ces synapses, et tous ces croisements et ces réactions, mais déjà pour cumuler toutes ces connaissances, il nous faudrait 3 hangars d'ordinateurs remplis jusqu'au plafond, 3 hangars de Boeing. Donc c'est immense, les hangars de Boeing. Des systèmes de disquettes, enfin de disques, les plus puissants. Il faudrait 3 hangars entiers pour cumuler 200 millions de neurones. Alors imaginez ce qu'il faudrait pour un cerveau humain, 150 milliards de neurones. Et pourtant, on a réussi à nous emmener dans un chemin où on a l'impression que notre PC est plus intelligent que nous. Encore une fois, une autre analyse de la perception du monde autour de nous à travers les gens, leur façon de réagir et les ordinateurs devant nous et l'importance des ordinateurs devant nous pour comprendre à quel point on a été emmené dans un chemin où il ne s'agit pas du tout d'une expansion d'intelligence, mais bien du contraire. Et c'est bien pourquoi aujourd'hui l'être humain est de plus en plus limité et si on lui enlève le GPS, il n'est plus capable de trouver une adresse. Si on lui enlève Internet, il est plus capable de trouver un mot sur le dictionnaire. Donc c'est un écroulement de ce champ d'extension qui existait avant et qui se resserre de plus en plus parce qu'il est envahi, écrasé par le champ de la logique restreinte de l'ordinateur. Pour bien comprendre l'essence du cerveau, on peut se tourner vers le cosmos. On peut regarder la nuit, il n'y a pas beaucoup d'électricité dehors, de lampadaires, et vous regardez les étoiles infinies, si grandes, si puissantes. Puis vous regardez les galaxies au loin. Tout cela est si grand, si puissant. Et pourtant, tout ce que vous regardez n'est que 4 à 5% du cosmos. Le reste est environ 25% de matière noire, je pense, et 70% d'énergie noire. Si je ne m'abuse, entre la matière et l'énergie, parfois je confonds. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous avons 5% du cerveau que nous utilisons consciemment, puis nous avons 25% d'inconscient, de zones de transformation, d'assimilation, on y reviendra plus tard, et 70% d'inconscient profond. Donc notre cerveau est fait absolument à l'échelle du cosmos. C'est une reproduction minuscule du cosmos. Et quand on comprendra le lien entre le cosmos et entre le cerveau, on aura compris l'essence même de la vie, pourquoi nous existons. Pour comprendre tout l'ensemble du cerveau, il est arrivé des expériences, des opérations que l'on a fait à des gens, par exemple, où on a dû partiellement congeler le cerveau, c'est-à-dire qu'on a descendu la température à 17-18 degrés, je pense. Donc il n'y a plus aucune réaction électromagnétique dans le cerveau. Tout est plat. Et pourtant, cette personne a vécu une NDE, Near Death Experience, EMI, une expérience de mort rapprochée. Non, expérience de mort rapprochée. Expérience de mort rapprochée, EMR. Non, expérience de mort imminente, voilà, c'est pour ça qu'on dit EMI, expérience de mort imminente. Et donc cette personne a pu faire de la télépathie sur les chirurgiens, a vu tout ce qui se passait dans la pièce, dans l'autre pièce, a vu des choses qui se passaient dans des plans supérieurs, avec des détails extraordinairement précis. Et là, quand on commence à toucher ça, on commence à comprendre que le cerveau n'est pas qu'une simple boîte d'ordinateur, comme on voudrait bien vous la faire croire, mais bien un champ condensé d'électromagnétisme qui est en vibration avec quelque chose d'infiniment plus grand, d'infiniment plus cosmique, qui n'est pas séparé l'infiniment petit de l'infiniment grand. Et c'est pourquoi le cerveau est des millions de fois plus puissant que le plus puissant des ordinateurs qu'on pourra fabriquer pour le moment. Et ceci pendant encore pas mal de siècles. Et comprendre cette essence-là, comprendre ce parallèle entre l'astrophysique et le cerveau, c'est comprendre que quand on regarde les étoiles qui brillent, le cosmos si grand, si profond, si infini, on ne regarde que 4 à 5%. Et l'intelligence que vous reconnaissez chez tant de personnes qui vous paraissent si grandes et si profondes, eh bien, ce n'est que 4 à 5% de son existence. Juste la matière apparente. Le champ de conscience restreint. Très bien, alors j'espère que jusqu'à présent, je ne suis pas lancé dans quelque chose de trop hermétique et trop compliqué. Je pense que d'avoir des explications plus techniques, ça peut stimuler certainement certaines hormones de votre cerveau d'enthousiasme, de comprendre que ce n'est pas qu'une jolie théorie spirituelle, qu'il y a des choses scientifiques que vous pouvez comprendre plus avant. Malheureusement, je suis limité en temps maintenant, donc je vais m'arrêter pour cette partie-là, mais je reviendrai dans le même chapitre pour faire une deuxième partie et continuer sur ces explications pour que tout cela vous apparaisse très clair et très limpide et que vous puissiez vraiment mettre tous les tenants et aboutissants ensemble et vous sentir porté par une connaissance qui stimule et libère votre champ de conscience d'expansion. Nous reviendrons sur les ondes du cerveau, nous reviendrons sur le travail des dauphins, nous reviendrons sur la plasticité cérébrale et sur l'astrophysique, sur tous les aspects, et l'écolocalisation humaine, pour découvrir vraiment tout ce qui peut être ainsi stimulé, transformé et toucher vraiment le libre arbitre qui amène à l'expansion de conscience. Revenir vers ce que nous sommes en essence, un esprit libre, unis au cosmos, unis aux vérités divines, unis aux valeurs essentielles de l'essence même de la vie, du respect, du bien-être, de l'amour, de l'empathie, de la fraternité. Affaire à suivre dans la prochaine partie. Merci.